va se battre jusqu'à nos derniers souffles. Vu qu'aucun passe droit a grandi, tel dépassera. Soldat, bois ton sang, ta soif te passera. Depuis les côtes, l'immigration ramène les corps. Europe noire, pas le même décor, mais on combat les cops. Vaillant, on devient grand guerrier grâce à de petits détails. C'est peut-être à cause de ça qu'entre nous on s'embrouille pour que dalle. Mais faut que ces querelles cessent. Les insultes, les mauvais mots blessent. Et comment se transmettre la noblesse en se déchirant les fesses? En vérité, vie solide comme un bloc, meurt comme un homme. Mes camarades, ton bloc n'est pas un homme. Ses murs sont pas ses membres. Le hall n'est pas son ventre. Ton appart n'est pas son cœur. Ta chambre n'est pas sa tête. Mon bloc ne prie pas. Mon bloc ne pleure pas quand les miens meurent. Dieu merci, c'est la rue de mon père. Je ne crains rien. L'argent vous appartient. La loi vous appartient. Les armes vous appartiennent. Les femmes vous appartiennent. Depuis longtemps, c'est la même. Les négros peuvent juste changer de chaîne. Les rimes sont vicieuses comme le monde de la cam, où les hommes se rapprochent de l'intelligence des femmes. Pousse la DGSE à remettre les blouses blanches, parce que les petits flics en tenue se font tourner comme du couscous. Paris j'arrive, j'manie les mots, j'manie les mousses. Versifie ma vie avec un flow de plus en plus smooth. J'avance cagoulé en mode chut, comme des choses en mousse. Mais les caisses claires encaissent du Ernesto Houst. J'suis un lion racé, descendant d'anciens rois cadenassés. Habillé avec de la belle fibre, mes textes ont une finesse royale. Le monde est en violent, mes remords sont morts par noyade. Pour s'élever la rue attend un peu de moi. Beaucoup de Hollande, rien à voir avec l'ex de Royal. C'est vert ou marron et ça vient sur commande. Les frères la fument et ils en redemandent. Les frères m'écoutent et ils en redemandent. Je m'inscris dans la logique, sans logis je crèche. Dans les ténèbres, armé comme un maréchal logis chef. Négro, je suis un peu stress, avec du sang dans les selles. Intoxication alimentaire au rap de France ou un cancer. En fait la guerre va être rude, je suis terrifié, je vais me purifier, j'y vais. Me parle pas des autres, leur foi est faible, leur cœur est mou. Ils s'attendaient à devenir riches sans souffrir, ils sont fous. J'ai compris que j'étais le seul à pouvoir le faire. Déterminé, je n'entends plus tonner les calibres. J'entends chanter ma mère. Je n'avais plus les moyens pour vous, je n'étais plus un homme. Les négros sont sur répondeur, les meufs décrochent plus leur téléphone. Donner aux chiens comme Bérégo voir, je me revois. Recommencer le combat avec quelques braves soldats. Mais tu me parles de quoi? Je te dois quoi à toi? Dites Luca de Braza, baisse les stores quand les enfume. C'est race de mort. Botswana niggas, insatiable niggas. On reconstruit niggas, inestimable. Botswana niggas, insatiable niggas. On reconstruit niggas, inestimable. Diamant noir 0.1. Le verbe en diamanté 1. Les rues ensanglantées 1. Les négros fument comme un joint dans le coin 1. Diamant noir 0.1. Diamant noir 0.1. Le verbe en diamanté 1. Les rues ensanglantées 1. Les négros fument comme un joint dans le coin 1. Diamant noir 0.1.